promets d'envoyer ton ange devant nous pour garder nos pas sur la route. Tu parles de conquête progressive, car les promesses vivent aussi dans la lutte. Tu ne donnes pas tout d'un coup, tu nous fais grandir avec le pays. Tu envoies ton ange devant nous pour éclairer chaque détour. Tu nous fais entrer dans les victoires, pas à pas, jour après jour. Tu envoies ton ange devant nous et même la lenteur devient un bien, car ce n'est pas la vitesse qui compte, mais marcher toujours dans tes chemins.